Faut que tu bouges ce soir, ça danse. Faut que tu bouges ce soir, ça danse. Faut que tu bouges ce soir,